C'est fou. 89. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Yes. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Émilie Gauthier nous parle de plein air dans sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Et on reçoit le groupe Hard Day's Night. Assemblage requis, ça commence pas ce soir, là, ce matin, genre ce là. Matin. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On est en direct des studios de C'est Fou à Trois-Rivières en ce mardi 15 février. Moi, c'est Mathieu Plante. Moi, François-Olivier. Salut François. Salut Mathieu. Tu vas bien? Ça va très bien, toi? Oui, on va toujours bien en direct à la radio. Hein. Oui. On va pas échouer, écoute. C'est rare qu'on entend quelqu'un dire « Bon, moyen ». Ça va mal, sac moi la paix. Ouais, parle-moi pas. Bienvenue à Assemblage Requis. Aujourd'hui, notre plan est toujours aussi constructif. Hein? La vigilance auditive est nécessaire, comme à chaque jour, mais le plan est inclus pour vous gratuitement. C'est gratuit. C'est gratuit. On a Émilie Gauthier avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi ?» Aujourd'hui, elle nous parle encore, comme toujours, de plein de sujets. Elle va frôler là, le Centre de la biodiversité du Québec, le Centre de plein air de Val-Chester, le Sentier des Trotters et... Ça doit être sentier des trotters. Des trotters. Et la station du Mont Gleason. C'est très anglophone aujourd'hui, je trouve. C'est pour ça que ça me donne envie de mettre partout des anglicismes. Les anglophones. Les anglophiles. je suis polyglotte. Bon, parle-moi de ça, matin. J'ai plusieurs glottes. Donc, François, qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? On reçoit le groupe Hard Day's Night qui vont venir nous parler d'ailleurs du spectacle qu'ils vont faire vendredi, le 18 février, à la salle Louis-Philippe Poisson, ici même à Trois-Rivières. Ça va être en fin d'émission vers les 8h30. Oui, exactement. Voilà. Sinon, on a aussi, évidemment, une chronique, c'est un fait, plus tard dans l'émission. Et puis, d'autres choses à se dire, à se susurrer. À se susurrer à l'oreille. Oui, ben après la Saint-Valentin. Hein. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. C'est le lendemain de Saint-Valentin. T'as-tu passé une belle fête? J'allais te le demander pour pas avoir à répondre. Ben Saint-Valentin, mon Mathieu. Ben, on a fait ça en fin de semaine, donc rien du tout hier. On a écouté des émissions nous, de télé. On l'a fait en fin de semaine. La Saint-Valentin, François. La Saint-Valentin. T'es donc bien pervers à matin, toi, on va te radier l'émission. Hey, non, mais je vous explique aux auditeurs. En fait, c'est parce que tous les matins, je vais chercher Mathieu Plante. Oui, c'est vrai. Et puis, Mathieu Plante est arrivé détendu ce matin dans l'auto. Ben oui. Il avait le grand sourire. Ça va bien. Ça va très bien, François. Avec les petits signes de main. Hurry, baby. Donc, d'après moi, hein, Mathieu Plante a passé une belle Saint-Valentin. Oui, on a écouté des Full House hier. Des Full House. C'est une comédie des années 80. Bon. On est là-dedans en ce moment. C'est bon? Très, très bon. Donc, vous l'avez faite après? C'est ça. De ton côté, toi, la Saint-Valentin? Ah, ça a bien été. Là. Ça a bien été. Ça a très bien été. Bon, mais ça a bien été. T'as conclu la soirée de façon... C'est-tu quoi, Mathieu? Hier, écoute, je dis à ma Valentine, je dis, bon, tu sais, qu'est-ce que t'as le goût de manger? Écoute, je peux le faire, tu sais. Ou sinon, tu sais, je peux aller chercher. Si, si tu veux, là, tu sais. Ben, on était chez Valentine, t'as pas pour rien. Ah, Valentine pour la Saint-Valentin. Ouais, j'ai été en chercher. Ah, oh, c'est cute. Qu'est-ce que t'as été. En fait, de quoi de bien simple, elle voulait une poutine, puis moi, j'ai pris un club sandwich. Ah, oh, wow. Ouais. Je trouvais ça drôle, on va chez Valentine pour Valentine. Ben, fait, oui. C'est vraiment pas très romantique. Non. Pour ceux qui ont déjà été chez Valentine, mais ça a été fort agréable. Oui. Une belle petite soirée, bien tranquille. Moi, exactement. Pour nous deux, mais chacun notre bar. Hein? Ouais. Le parce plus possible. Ensemble, ça aurait été différent. Hein? Awkward! Un petit peu inconfortable par moment. Bienvenue donc à l'émission. On va passer 2 heures ensemble. On commence l'émission avec notre ami Karim Ouellet. Tu le connais. On l'a écouté un petit peu hier, mais là, on va entendre la pièce qui est sur le palmarès en ce moment. Tu vas vraiment aimer ça, je pense. Ah ouais? Je pense que ça va peut-être jouer fréquemment. Ça. Peut-être. C'est Météor de Karim Ouellet tout de suite au 89.1 FM. C'est fou. Et bon lendemain de Saint-Valentin, mielleux. Hein? Dit-il relaxé à souhait. Ouais. Ouais. Ciel, j'ai vu quelque chose d'étrange qui faisait beaucoup de lumière. Je sais de quoi ça a l'air. Oh, ciel, j'ai vu autre chose qui faisait des mouvements bizarres dans les airs. J'ai besoin d'un dernier verre. Puis qu'est-ce que c'est à l'envers? Puis que chérie, faut que tu me ranges. T'auras jamais pris ta revanche demain. J'ai juré voir des silhouettes dans ma chambre. Me semble, c'est pas dur à comprendre. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je sais comment ça sonne. Je me tiens mieux quand on me donne la prise. Oh, ciel, une menace venue de l'espace. Tu sais comment ça se passe. Toute la planète est en crise. Je t'aime, j'ai déjà vu quelque chose de même qui se peut. Alléluia, tu sais comment on prend. Toi et ton cœur tend. On n'a jamais rien vu comme ça. Y'a des mensonges sur les ondes. Pour moi pis mon cœur sombre. Jamais rien entendu de même. Y'a des traces au sol. Un objet qui s'envole au loin. Regarde-moi bien. Si c'est faux, mais j'en pars demain. T'auras plus jamais besoin de me faire croire. Oh, je t'aime. Pour passer la fin de semaine dans tes bras. Je t'aime. J'ai déjà vu quelque chose de même. Construite à partir de matériaux de qualité, assemblage requis se poursuit jusqu'à 9 heures. think of you. For I could not have shaken the touch of your breath on my arm. For it has stayed in me as an epithet. I am sorry the worst has arrived. For I'm on the floor. To what she said, but I'm not about to expect something more. I would not ever run off, but I couldn't bear that it's me, it's my fault. I should not be so lost, but I've got nothing left to Sufjan Stevens, la pièce I Walked. Assemblage requis au 89.1 FM. Avant ça, c'était Karim Ouellette. Excellent, excellent bloc. Je trippe. Excellent. C'était incarimable. Incarimable. What tabarouette. Mathieu Plot. Non, j'essayais, mais ça n'a pas marché. Encourage pas ça quand ça marche pas, François. C'était pas super que ça. OK, bon. J'ai déjà vu. Donc, Karim Ouellette, excellente pièce qu'on surnomme communément dans le domaine Météor parce que c'est en fait le nom de la pièce. Oh. Bon, on la surnomme comme ça. Aussi. C'est comme ça qu'on le sent. C'est tout. Hey Mathieu, je te parle du Fémur 2011, mais est-ce que tu sais c'est quoi le Fémur 2011? Non, désolé. C'est un concours pan-québécois de la relève musicale. Mmh. Et ça se veut, en fait, un outil pour aider les gens à se raccrocher, à ne pas décrocher, en fait, de l'école. C'est 50 groupes, 5 styles, 5 salles. C'est la deuxième édition que le concours de la relève Fémur éteint son rayonnement à toutes les universités de la province. Donc, ils se mettent à l'écouteur aussi. C'est sûr qu'en fait, il y a des prix à gagner, que ce soit en fait là, des bourses, enregistrement studio, booking, et ils disent, un communiqué, en fait, là, ils disent, et plus encore, mais bon. Et c'est pas précis sur le qu'est-ce que ça veut dire, plus encore. Non, c'est ça, exactement. Mais ça peut être, en fait, vous avez un groupe de jazz, de rock et pop, blues, passant par l'électro, le folk, la musique du monde. Le concours Fémur, en fait, s'adresse à vous en notant que un des musiciens est inscrit à l'université. En ce moment, là. Oui. OK. Inscrit à l'université. Oui, ouais, c'est ça, exactement. Doit obligatoirement être étudiant à temps plein dans une université québécoise. Ah, parfait. Et ça, c'est un seul des membres. C'est bien ça. Oui, oui. Parce que des fois, dans des concours comme ça, c'est tous les membres doivent et puis là, ça restreint. Tous les membres, c'est ça. Ça devient un peu plus dur. Donc, voilà. Vous avez, les participants ont jusqu'au 20 février pour s'inscrire. Donc, en fait, ça s'en vient à grands pas. Donc, n'hésitez plus. Pour plus d'informations, il faut visiter le www.femur.ca. Donc, allez-y en grand nombre. Ça peut être intéressant. Tout à fait. Merci beaucoup, François. Ça fait plaisir, Mathieu Plante. Alors, on va l'entendre Chantal Archambault avec la pièce Panache qui est sur le palmarès francophone en ce moment. Et puis après ça, ben la chronique C'est un fait plus tard. Et puis la chronique plein air avec Émilie Gauthier. Puis Hard Day's Night. Hard Day's Night. Tu parles d'émission, toi? C'est le chant de journée. Hard Day's Night. Mais on n'est pas le soir. Non. C'est comme un Hard Day's Morning. Hard Day's Morning. Ah! J'ai hâte de leur poser la question si ça a rapport avec les Beatles. Est-ce que tu penses que ça a rapport? Ben, je pense que oui. Je pense pas mal sûr que oui, moi. J'imagine. Mais t'es déjà reçu, entendu? Ouais. Je me rappelle pas à quelle émission, mais bon. Tu sais, il y en a tellement. Mais il était fin. Il était fin? Ben oui. C'est ce qu'on va savoir. OK. Ben, à tantôt. À tantôt. OK, bye. Ciao. Je t'ai perdu, ton camouflage est trop fort. Et si je reprendais le nord, avant que la nuit vole ton ombre et mon chemin aussi. Mais lors de mon retour, mon amour, mes hauts talons, j'ai cassé. Et si je ne pourrais déposer mes yeux dans tes yeux si hautement perchés. Thank you.

Wolf and Cobb et Seven Sevens à Assemblage Rocky. C'est la fin de la première heure de notre émission. On se retrouve tout à l'heure avec une deuxième heure et plus de pastilles. Plus de pastilles, plus de contenu. Émilie Gauthier. Oui. Avec sa chronique « Veux-tu sortir avec moi? » Oui, elle nous parle de plein d'endroits où sortir cet hiver, bien sûr. On va aussi parler avec la formation « Hard Day's Night ». Exactement, qui va faire un spectacle ce vendredi, le 18 février. Donc, restez avec nous. Oui, on vient juste après l'Info Campus. Bye. C'est fou. 89. 1, 1. Le service aux étudiants de l'UQTR et la Banque nationale sont fiers de vous présenter Assemblage requis. Deuxième heure d'Assemblage requis, émission matinale en pièces détachées en ce mardi 15 février. Lui, c'est François-Olivier Marchand. Et lui, c'est Mathieu Plante. Et vous êtes les requins. Bon matin. Ça doit faire deux semaines à chaque fois qu'on dit requin. Requin. On dirait vraiment qu'on saute comme deux semaines, un mois. Comme ça, les gens n'ont pas le temps de s'habituer. Il faut tout le temps leur expliquer ce que ça veut dire un requin. Ça. Bon matin. Bon, ça va. Tu laisses faire l'explication parce que c'est trop simple, c'est bon ça? Bon matin, le requin. Ah, the almost monster. Youhou! Mais... Fatigant. Bon matin. Monster à Assemblage Rocky au 89.1 FM.

Il nous reste un bon 45 minutes ensemble. Et plus tard, qu'est-ce qui s'en vient, François? La formation Hard Day's Night, qui va être ici en studio pour nous parler du spectacle qui s'en vient. Okay. Ce vendredi. Ça va être excellent, mais pour l'instant, on écoute la formation Galaxy. Voici leur nouvel extrait, Piste 1, sur C'est fou, 89.1 FM. Plante, assemblage requis en pièces détachées. class Western trip. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Censure, soyez pudiques. Grimmskunk est parfait perdant. Au retour, on parle avec la formation Hard Day's Night à Assemblage Requis. Restez avec nous. Assemblage Requis pour toi aujourd'hui. Écoute dans vos oreilles. 89. Assemblage Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. François Olivier, Mathieu Plante, Assemblage Requis en pièces détachées. De Atomic Baobab au 89.1 FM, cet assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Avec Mathieu Plante. Et François-Olivier Marchand. Oh, merci pour l'accent. Oui. Hey, Matt, on reçoit Hard Day's Night, le groupe. Bonjour à vous. Bonjour. Hey, bonjour. Ça va bien? On a une voix familière ici qu'on a reçue la semaine passée. Et oui. Voilà. Avec, ça que tu me disais quelque chose. Ça ressemble un peu. Hein? Ouais, un peu. Avec ton show, ça a bien été? Super bien. Yes. Number one. Oh, ouais. Parle-nous de ça. Parle-nous de ça, mais là, ouais. C'est ça, vous n'êtes pas là pour ça. Et vous voilà. êtes là pour... Oh, Mathieu qui... Mon micro était fermé et bon, tout, ça paraissait même ça paraissait pas du tout. A Hard Day's Night. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Je ris comme... Donc, vous voulez des pastilles, j'en ai si vous en voulez. Tu. Des pastilles. Ça va. C'est bon? Si vous en voulez pas, vous pouvez en pas un peu. Aussi. Donc, en fait, bonjour à vous. C'est quoi A Hard Day's Night? Hard Day's Night, c'est un band de Trois-Rivières. OK. Qui existe depuis 2008. OK. Ah ouais? Oui, depuis 2008. Toi, Steven, tu t'es joué à nous plus tard. Ah ouais, mais voilà. Ça, puis c'est ça, on fait du pop rock. Parfait. Sur, en fait, sur votre site internet, on peut voir que ça a été formé par la fusion de deux groupes rivaux. Oui. C'était quoi les groupes? Ça m'intrigue. Ah, les groupes, c'était Weaker Park. OK. Qui était un band de comme hardcore metal. Slash metal. OK. Ouais, c'est OK. Ça. Et Only Jew, qui était un band pop. Très, très, très pop, là, sucré. Power pop. D'accord. Power pop. Et en fait, ce groupe-là, Weaker Park, a un jour perdu son chanteur. Et c'est à ce moment-là que je me suis infiltrée en découpant le métal. OK. Et en slicant le hardcore en deux. Pour prendre juste le rock là-dedans. Puis c'est ça. Ça a bien été, en fait, ça a donné quelque chose d'agréable, j'imagine. On va l'entendre un peu plus tard. Oui, ça s'est bien passé, l'adaptation, je pense. Donc, oui, j'imagine. Ils m'ont pas rejeté encore. Donc, en fait, c'est ça, votre style, là, présentement, c'est quoi? Notre style, c'est pop rock. Alors, c'est beaucoup plus pop que rock, mais c'est quand même rock. OK. Quelles inspirations, mettons? Je dirais que ça s'apparente à Sum 41, un petit peu. Good Charlotte, okay. The All American Reject. Là, un peu de Paramore aussi. Un peu de Paramore ouais, aussi. Ouais. Puis c'est en anglais? Oui. C'est en anglais. Ça vous a jamais tenté de chanter en français? Pas vraiment. Non, pas je vais vraiment. Pas te le cacher. Pas vraiment. OK. L'écriture vient moins en français. C'est qui écrit les textes? C'est moi qui écris les textes. Puis, étrangement, là, la réponse que je vais vous fournir, c'est la vérité. Okay. Je ne sais pas chanter en français. Ah, d'accord. Okay. Ah, c'est spécial, ça, c'est bien. Parce que l'accent tonique est placé différemment en français qu'en anglais pour les chanteurs. Puis moi, je ne sais pas chanter en français. Donc, ben. C'est ça. Toi, tu fais une phase de « eh ben, c'est... » Ouais, OK. D'accord. Vous attendiez pas à ça qu'on réponde. Toi, est-ce que ça, c'est tes batteurs, c'est ça? Oui. Est-ce que tu bois en anglais? Ah, bon, en espagnol. En espagnol? Ah, cool. J'essaie de... Le petit beat latino, ouais, c'est là, ça, c'est exactement. Hey, mais est-ce que tu veux nous présenter, en fait, les membres du groupe? Ceux qui sont pas avec nous. Ouais, ceux qui oui, sont pas alors, là. Il y a Charles Lafontaine, qui okay. est à la guitare. On a Jimmy Lemire à la basse. Et puis, avec nous ici, on a Stephen Cope. Kevin est mort? Au drums. Kevin... Non? Kevin est pas mort. Non? Question demandée qui aurait pu être un petit peu inconfortable. Non, mais Kevin est plus parti. Occupé un peu. Okay. Il est plus occupé, ouais. Kevin, mais il est toujours là dans le soutien. Et okay. dans notre cœur aussi. Et voilà. Mais théoriquement, est-ce qu'il fait partie de la formation ou... Il fait partie de la formation, mais comme à titre d'invité. Là. À temps partiel. OK. Featuring. Et voilà. Voilà. Parce que c'est Kevin, c'est l'ancien guitariste de Perfect Murder. Ah! Okay. Donc... C'est ça. Il agit à titre d'invité. Ah, merveilleux, merveilleux. Est-ce que vous voulez nous parler, en fait, là, pourquoi le nom? A Hard Day's Night? Ouais, c'est ouais. ça. Évidemment, écoute, on connaît la chanson des Beatles. J'imagine que ça doit avoir un lien. Ça a un lien, oui. C'est sûr qu'on travaillait avec un producteur avant qui, dans son studio, avait un énorme poster des Beatles and A Hard Day's Night. Puis là, on cherchait un nom de groupe suite à la fusion des mm-hmm. deux bands. Puis là, en farce, il a dit, vous pourriez vous appeler A Hard Day's Night, là, cherchez plus de nom. Puis ça devait être temporaire, là, mais finalement, ben. Vous l'avez gardé. On l'a gardé. C'est un bon nom. Ben oui. Ben oui. Ben oui, non? Certainement. Oui. C'est toujours sujet à questionnement. Oui, ben c'est ça. C'était quoi, oui. ça? C'était quoi, ça? Hein? Qu'est-ce que t'as fait? T'as fait un genre oui, de... C'est n'importe quoi, cette réponse-là, c'est ça? C'est bon, me décourage. Ah, non, non, non, c'est correct. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres, là, prochainement? Ben là, prochainement, vendredi, c'est la sortie de notre EP. OK. Donc, un premier EP avec 5 chansons dessus. 5? Oui. Ensuite de ça, on va se lancer dans des festivals pour l'été, puis... Ça a-tu commencé le booking pour les festivals? Oui. Ouais. Il y en a qui sont déjà terminés. Oui, c'est aussi. Vrai, ça commence. Ah, ouais. OK, et puis est-ce qu'on peut avoir une primeur? Vous avez pas le droit? Pas pour le moment. OK. J'essaie même pas, moi, imagine. On va revenir te voir. On sait que ce qui s'en vient, c'est le spectacle de, du 18 février. Ça donne à être quel jour? Vendredi. C'est vendredi. C'était la salle Louis-Philippe Poisson, ici même à Trois-Rivières. Oui. De quoi ça va avoir l'air, ce spectacle-là? Steven, veux-tu répondre? Ben, qu'est-ce que tu veux que je réponde? Ben, écoute, à quoi ça va avoir l'air? Écoute. Des chansons. Non, c'est sûr, oh oui, mais c'est comme on dit, on parle d'un lancement de peu, fait que j'ai... Pourquoi tu trouves ça là? OK, c'est beau. Ben, en tout cas, c'est ça, lancement de pays, imagine, c'est sûr qu'on va jouer des tunes dessus, c'est certain. Ça va être style un peu plus bistrot, si je me trompe pas. C'est vraiment plus intime qu'un spectacle. Ça va être vraiment... Il y a une couple de personnes qui vont venir, là. Une bonne couple, en fait. Là. Il reste combien de billets? Il reste peu de billets. Peu de billets. Peu de billets, donc dépêchez-vous. Et puis, est-ce qu'il y a une première partie? Non, c'est seulement nous pour présenter le EP, le matériel du EP, puis aussi les autres chansons que les gens connaissent déjà. Mmh. Le EP, est-ce qu'il va être disponible au spectacle? Il va être disponible au spectacle. Il va être à partir de mardi prochain sur iTunes aussi. OK. Est-ce qu'on va pouvoir le retrouver aussi au Colimaçon? Probablement, oui. Ouais. Parfait. Éventuellement HMV, Archambault, non? Oui. Et ensuite le monde. Le monde s'en procure sur iTunes. C'est spatial, j'avais dit l'autre fois. Spatial, moi aussi. Spatial. J'ai du spatial là-dedans. Wow. Donc, merveilleux. En fait, pour les gens qui veulent plus d'informations, ils peuvent aller visiter votre Facebook. Oui. Art Days Night. Hein? Voilà. C'est pas payé. Pas payé, quand même. C'est le premier qui sort. Tu tapes Art Days Night, Hard Days Night, puis c'est le premier qui sort. Sur MySpace, c'est myspace.com/ A Hard Days Night Band. Oui. Voilà. Et là-dessus, il y a deux pièces, Over It et Maybe, qu'on peut écouter. Voilà. Mais là, on a quand même une primeur. Oui. En fait, Maud a nous amené une chanson. Oui. Hein? Tu veux-tu la présenter? Tu veux-tu nous dire, en fait, ça parle de quoi? Oui. Ça va être assez évident de découvrir à l'écoute de quoi ça parle. Mais est-ce que tu veux qu'on l'écoute, puis après ça, on va l'analyser, puis essayer de deviner c'était quoi le sujet? Non, ça va aller. Mais c'est une chanson qui se retrouve sur le EP que, en fait, personne n'a entendu jusqu'à maintenant. Wow. C'est une primeur. C'est une grande primeur là, qu'on vous offre là, ce matin. Je suis tout énervé. Steven ne se peut plus. c'est la chanson « I Won't ». Pas « Want ». Non, pas « Want ».« Want ». ».« Want ». Et puis, c'est ça, en fait... Je sais pas trop. Écoutons-la. Écoutons-la. Voilà, écoutons-la. Parfait. Puis on s'en reparle après avec la formation A Hard Day's Night à Assemblage Requis au 89 FM. Début de poisson, ça? C'est supposé imiter un requin avec Assemblage Requis. Les auditeurs sont des requins. Ça fait des... Ça fait ça. Conversations I had with you over and in my head. Millions of curves we've listened to. They're all farce and we're still in my head. I won't let my guard down till you say down. La pièce I Won't de Hard Day's Night au 89 FM, cet assemblage requis. On est toujours en compagnie de la formation en ce moment en studio. Ça va toujours. Hey, c'était bon, Krim, il y a une bonne qualité. Puis en oui. fait, c'est ça, on a appris que vous l'avez enregistré chez vous. Oui. Krim, c'est surprenant quand même. Ben, on travaille fort. Bien équipé. Quand même bien équipé, oui. Ouais. Travaille fort, vous menez une bonne vie, c'est un bon résultat. C'est ça. On marche toujours encore pour l'instant. Oui. Souhaitons que ça continue. On rappelle le spectacle, ouais. C'est vendredi, c'est ça, le 18? Oui, à 20h. À la salle Louis-Philippe. Comment ça coûte les billets? Ça coûte 12$. OK. Voilà. Pas cher. On dirait que t'étais parti pour ouais, j'allais raconter. Dire quelque oh. chose, hein, mais non. C'est 12$ et ça va être un spectacle vraiment plaisant, je pense. Parfait. Donc, si vous voulez, il reste peu de billets. Peu de billets? C'est un spectacle qui va durer combien de temps environ? Ça va durer environ 1 heure. OK. Donc, faut pas arriver en retard non plus, là. Non, faut pas arriver en retard parce que là, on vous laissera pas rentrer. Cool! Cool! Merveilleux. C'est tout. Merci. Merci, hey, merci à vous. De rien. Merci à vous. Merci en fait, écoutez, vous repasserez quand vous lancerez, ben, vous repasserez nous mener le CD? Hein? Oui. Le CD avec toutes les pièces? Oui, 5 pièces, tu disais, sur le EP. Promis. Promis qu'on promis. Va venir vous le passer. J'ai compris, premier. Ouais, moi aussi, aussi. Premier. Premier. Le premier quoi? Ça va être premier au palmarès, c'est fou. C'est ça? Oui. Voilà. D'accord. Merci beaucoup à la formation Hard Day's Night. Merci, hey, merci à vous. Plaisir. Bonne chance pour vendredi, ça va bien aller. Oui. Merci. Vous êtes toujours Assemblage Requis. On continue ça jusqu'à 9h. Il nous reste une quinzaine de minutes ensemble. On va se quitter avec l'autre extrait de Hard Day's Night. Est-ce que ça te tente? Est-ce qu'on oui. peut? Est-ce que c'est, est-ce oh, que c'est, oui. c'est sur le CD? Là, on a le droit. Il n'y a pas deux pièces pour rien là-dessus. C'est pas la même pièce deux fois. Là. Non, la prochaine d'accord. chanson sur le CD, c'est All I See. Parfait. All I See au 89. See you. Assemblage requis jusqu'à 9h. Requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Screw. Winter Loves et Trap the Mouse, assemblage requis, c'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. François-Olivier Marchand. Déjà! Ah, c'est triste à quitter, mais on doit le faire. On doit le faire pour mieux revenir demain en forme. Oui, on le fait à chaque jour se quitter, mais c'est seulement pour mieux revenir. Ouais, exactement. Voilà. Demain à l'émission, on a. Qu'est-ce qu'on a demain? Maxime Lemieux-Aramé. Oui, et on reçoit Gérard Godbout qui va venir nous parler du chanvre. Je l'aurais dit si tu l'avais pas dit. Gérard Godbout. Étudiant ici même à l'UQTR. Chanvre? Oui, du chanvre. Eh ben. Il va nous parler de sa démarche pour la légalisation du chanvre. On varie nos sujets. Hein? C'est le fun. C'est demain à 7h. D'ici là, restez à l'écoute pour C'était fou, l'émission que j'anime à partir de 9h. On rembobine C'est fou avec une semaine choisie depuis le début de l'existence de la station. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier et Charles-André Lambert. Puis en après-midi, une pêche en mission, La Spirale, une nouvelle édition des Batteries Hurlantes à 16h. Puis on se la joue, rock révélé et réanimation, donc du rock et du métal en soirée pour vos oreilles. Bonne journée, François. Bonne journée, Mathieu. Et on va se jouer au Pog. Oui, ouais, donc. Avec les bouts de place. Pas les chiens, on va pas lancer des chiens. Ils pensent qu'on va lancer des chiens. Non. Non, on se parle d'une affaire, ça. Les bouts de plastique rond, là. C'est à la mode, ça. C'était. Bye. Sur les ondes de C'est fou, voici maintenant le bulletin de nouvelles de la première chaîne de Radio-Canada.